caresser. Ton goût du revers n'a rien de pervers et ton bébé n'est pas fâché. Ton gamin sutra a bien son temps d'âge, mon Dieu que c'est dénudé. Le mec plus ultra en ce paysage se démêle de côté. Hey, ta majesté jamais ne te déplace sans mon petit oreiller. À jamais je suis ton unique classe, tout le prix est payé. Tu fais des armées hauts derrière ton ouvrage comme un petit bataillon. Tout doué de toi sans perdre courage. Prétexte.